La délégation coréenne a énoncé le 30 mai, lors de la session plénière de la deuxième réunion de la conférence de Genève pour le désarmement, sa position de principe à propos de la réussite au dernier lancement de sa fusée balistique. Elle a dit « Le lancement expérimental de la fusée balistique est l'exercice du droit autodéfensif pour faire face aux menées d'agression téméraire américaine, auteur de l'aggravation de la situation dans la péninsule coréenne. » La mise en cause de notre mesure par certains pays est une violation ouverte de notre souveraineté et relève de l'intervention dans nos affaires intérieures. Le Conseil de sécurité de l'ONU tourne le dos au lancement d'essais des missiles balistiques intercontinentaux américains et met en cause seulement notre mesure autodéfensive, ce qui est un acte de discrimination intolérable et la double norme extrême. Plus les États-Unis et leurs suivistes mettent en cause le développement de nos armements nucléaires, plus ne feront promouvoir leur diversification et leur sophistication.